à tout. Yeah, salve, salve. Directement du Brésil, São Paulo. Je vous présente de notre rap underground. La souterraine parade. Je m'appelle Espion. Je représente les groupes Rua de Baixo. É o pioneiro. Et avec moi, mon pote Rodrigo Brandão. É nóis. Il représente Mamelo Sound System. Mamelo Sound. Écoutez. Uns com tanto, outros tanto.